Asténique voluptueuse. Absente et attentive sur Madrid. Les portiers de Ritz, peut-être, un brin amoureux du malheur, des temps des clients fainéants, quand je fume dans la rue et jouis du premier turquoise du matin, me dit mon premier bonjour.